18 1 Les moteurs fusées à ergol liquide pour avion. Présenté sous le Mirage 3, qui en est l'illustration opérationnelle, trois moteurs fusées à ergol liquide, le carburant et le comburant qui fournit l'oxygène nécessaire à la combustion, illustrent la période de 1950 à 1980 pendant laquelle l'aéronautique militaire française, renaissant des cendres de la Seconde Guerre mondiale, occupa un rang prestigieux et parfois unique. Pourquoi ces moteurs ? Ils présentent l'avantage d'avoir une poussée croissante avec l'altitude, la contrepression à l'éjection des gaz de combustion diminuant, contrairement aux turboréacteurs dont la poussée diminue avec la réduction de la densité de l'air qui l'alimente. Le CEPR 25 équipant le Saut 6025 Espadon, ce moteur de 1500 kgf de poussée a permis à cet avion expérimental d'être le 1 degré avion européen à franchir le mur du son en vol horizontal le 13 décembre 1953. Les pompes d'alimentation en ergol sont entraînées par le réacteur. Le CEPR 631 est le propulseur principal du Saut 9050 Trid, dont la particularité est d'être autonome, c'est-à-dire sans recours au réacteur. Cette architecture sera celle des moteurs spatiaux. En 1958, il battra deux records du monde qui tiendront 10 ans. Altitude 24 217 mètres, homologuée, 28 000 mètres, non homologuée. Vitesse ascensionnelle 3 minutes 17 s du lâcher des freins à 18 000 m. Le CEPR 841 puis 844 équipant le Mirage 3, sa chambre de combustion de 1500 kgf de poussée est alimentée en carburant par le kérosène du réacteur et en comburant par une pompe entraînée par le réacteur dans sa dernière évolution. Le 24 octobre 1958, l'avion atteignit Mach 2,2 en vol horizontal. Il fut le premier avion européen bisonique en vol horizontal, ce fut le premier et probablement unique intercepteur à moteur fusée à entrer en escadres opérationnelles. 275 groupes fusées furent produits et vendus à 9 pays. L'armée de l'air française arrêta son emploi dans les années 80, la Suisse dans les années 90.